soudain. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Images du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville pour lui pâté de maison comme un vieux livre que c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guaira, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Étienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce mardi 24 septembre 2024. Des mots, des sons sensibles comme vient de l'indiquer l'indicatif à l'instant, l'actualité politique, sociale et culturelle durant une heure à passer ensemble, les lundis, mardis, jeudi 12-13h, rediffusion 19h et le lendemain matinal dès 8h en ce mardi 24 septembre, actualité culturelle à l'honneur. Nous allons parler musique, jazz, festival avec le Rhino Jazz Festival. Ludovic Chazalon, programmateur du festival, est avec nous. Salut Ludo. Merci, bonjour, merci à toi de l'accueil. Et bienvenue sur le 895 de Dio, comme habitude, je dirais, ou presque chaque année, depuis peut-être pas 46 éditions, mais pas loin. Pas loin. En tout cas, c'est la 46e cette année. Un événement massif, à l'image de son animal totem. 30 communes, 23 jours de musique, 41 concerts. Le Rhino Jazz va s'ouvrir ce samedi 28 septembre jusqu'au 20 octobre prochain. Comment le Rhino se porte là à quelques jours d'ouverture de l'événement? Grande impatience de retrouver le public et les partenaires avec lesquels on travaille et qui sont fidèles. Vraiment, on a les fourmis dans les jambes. On va évoquer cette nouvelle édition, alors non pas de façon exhaustive, en 60 minutes c'est compliqué de faire un tour d'horizon de cette dense programmation. On va faire quelques focus sur ces dates et ces propositions, en tout cas on va tenter de tenir l'exercice au mieux, cher Ludo. Mmh. Ce sera l'essentiel menu contenu de ce programme, avec quelques infos, petite salve d'infos, agenda à communiquer en ouverture de cette émission, qui va s'ouvrir en musique, comme habitude, avec nos découvertes et partenariats, comme chaque semaine. Nous sommes membres actifs de notre fédération nationale, la Fédération nationale des radios associatives rock de France, ou Radio Musiques Actuelles, la FERAROC. Depuis de longues années maintenant, nous en sommes cofondateurs, cofondatrices. Cette fédération propose double artiste album en découverte, en diffusion, présentation et en jeu concours sur les antennes Ferrarock. Double proposition cette semaine. Hier, j'ai pu faire découvrir le nouvel album de We Hate You Please Die, album plutôt punk rock. Très bel album pour We Hate You Please Die qui est sorti ce 20 septembre dernier. Il en est de même pour cette deuxième et autre proposition dans un autre registre. L'album est également sorti donc ce 20 septembre vendredi dernier. C'est le nouvel album de Anna, A2NA, l'album The Fun, qui est une coproduction de divers labels, comme c'est souvent le cas, qui mutualisent et qui se donnent les moyens de pouvoir assurer et défendre eh bien, une proposition artistique. Donc c'est le cas avec des labels que l'on suit attentivement. Ce sont quasi des habitués en programmation diffusion sur cette antenne. Je parle des labels Howling Banana Records, le collectif Télécascade, les Disques du Paradis ou encore Another Records. Ces labels donc s'associe pour la sortie de cet album du groupe Anna, qui est un projet qui aura connu de multiples moutures en 10 ans d'existence, 4 albums à leur actif. Le projet est emmené par Martin Vidi Et eh bien, je vous propose de découvrir cet album enregistré en groupe, The Fun, avec quelques références effectives d'une certaine pop 60s, avec comme ça des façons de lorgner vers la new wave ou synth rock 80s, une énergie parfois très rock et très garage. En tout cas, c'est une pop assez bien, je dirais, orchestrée, ficelée. Je vous propose eh bien, de découvrir donc Anna, qui, selon Martin Vidi, se place dans la lenteur qu'il faut pour se sentir bien dans sa musique. J'ai envie de revendiquer ça comme alternative, dit et explique Martin Vidi. Je vous propose donc de découvrir eh bien, la troisième plage que j'ai extrait de cet album The Fun du groupe Anna. C'est le titre Concrete, que je trouve plutôt bien réussi, une belle ligne de basse assez ronde, assez chaude, que, voilà, qui m'a marqué l'oreille. Je vous propose de découvrir donc Concrete de Anna, issu de l'album The Fun, sorti ce 20 septembre dernier. Démo des sons sensibles. Eh bien, c'est parti. Est un prénom de musique. Qu'en penses-tu, Ludo ? J'aime bien ce truc un peu chaloupé, assez profond. J'aime bien les textures de basse, les claviers comme ça désordonnés qui arrivent, c'est super, j'aime bien moi ça. Voilà, Anna donc, et l'album The Fun qui est sorti ce 20 septembre dernier, je le disais, via les labels, je les recite, Howling Banana Records, Collectif Télécascade, Another Record, Les Disques du Paradis. Album en découverte et en partenariat Ferrarock cette semaine. Vous en saurez bien sûr davantage en vous rendant sur le site dédié ferrarock.org et en écoutant l'émission mutualisée et collective Dig Dig Diggers que nous réalisons ou co-réalisons chaque semaine. C'est chaque vendredi à midi, rediffusé à 19h et le lundi en matinale dès 8h, où vous aurez l'occasion donc eh bien, d'aller à la rencontre de ces groupes et artistes cette semaine. Interview réalisée par Ludo de Radio Béton, un autre Ludo, mais Radio Béton et donc autre ville, pour la rencontre auprès de Anna et donc aller à la découverte de cet album The Fun. Mathieu de West Track a rencontré We Hate You Please Die pour l'album Chamber Songs, qui est également sorti ce 20 septembre dernier. Et puis un petit module live découverte et carte blanche et qui sera proposé dans ce programme Dig Dig Diggers ce vendredi. En termes de jeux concours sur ces albums, alors autant vous le dire de suite, il n'y a pas d'album à gagner cette semaine. En revanche, c'est un autre jeu concours qui est organisé pour le projet We Hate You Please Die, qui va faire une date à la Maroquinerie le 7 novembre prochain, et des places sont à gagner pour ce concert. Donc si vous êtes sur Paname début novembre et le 7 novembre et que vous souhaitez assister à ce concert de We Hate You Please Die, n'hésitez pas à nous contacter, un petit mail sympathique à redac@radiodio.org. Un petit Sonny Rollins en fond sonore durant cette émission. Hein, Ludo, pourquoi ça pas. Ça avance, ça avance. Il y a un drive ça, parfait. Voilà, bon tapis sonore, bonne dynamique, tout ce qu'il nous faut. On va débuter avec eh bien, une autre dynamique, peut-être sous forme d'agenda, pour juste quelques petits rendez-vous à rappeler sur le 895 de Dio, sur Saint-Etienne pour ses rendez-vous, bien sûr, ou proche périphérie. On va commencer avec de la poésie en feu dans une époque de plomb. Lecture rencontre avec Flora Souchier, qui eh bien, sort son second recueil poétique, Époque de plomb, dans la collection Sorcières Cambourakis. Et c'est la librairie L'une et l'autre à Saint-Étienne qui propose une lecture-rencontre avec Flora Souchier, qui viendra lire des extraits donc, de ce nouveau livre et échanger donc, avec le public. Pour cette jeune poétesse née en 90, danseuse également, comédienne formée à la Comédie de Saint-Étienne. Elle avait sorti un premier livre de poèmes, Sortie de route, qui était paru en 2019 aux éditions Chêne. Cette rencontre se tient aujourd'hui, mardi 24 septembre. Attention, si vous chopez les redifs, c'est à 19h à la librairie L'une et l'autre, 19 rue Pierre Bérard à Saint-Étienne. Flora Souchier accompagne bien souvent pour ce projet Époque de plomb, qui mêle poésie et musique, avec le trio que tu connais peut-être, Ludo, qui s'appelle Clume, oui. Qui aussi vient de sortir un premier projet, et qui s'associe souvent à Flora Souchier pour mêler comme ça musique et poésie. En tout cas, voilà, le rendez-vous de la librairie L'une et l'autre, ce 24 septembre, mardi, à 19h. Tout à fait autre chose pour ce rendez-vous que j'ai eu déjà l'occasion de rappeler, mais que je vais compléter d'ailleurs dans un autre cadre. C'est une soirée ciné-rencontre-débat qui va se dérouler à Saint-Just-Saint-Rambert. On va en reparler puisqu'une date Rino est prévue d'ailleurs aussi sur la salle culturelle de la commune. C'est également aujourd'hui, ce mardi 24 septembre, ce soir à 20h30, autour du film documentaire La Rivière. Un film qui interroge la question de l'eau, question assez essentielle et je dirais sensible aujourd'hui. Un rendez-vous qui est proposé dans le cadre du projet Partageau, qui avait organisé un forum de l'eau l'année dernière, qui va être renouvelé avec une grande journée prévue le 16 novembre prochain du côté de Saint-Galmier, avec ce collectif Partageau qui justement travaille au long cours sur cette question de la gestion de l'eau au sens très très large, et dont nous reparlerons sur le 895 de Dio, puisque nous allons être partenaires de cet événement le 16 novembre prochain. En tout cas, différents temps aussi de rencontres sont prévus dans ce travail travail en cours, dont cette soirée donc au Family Cinéma de Saint-Just-Arambert ce soir à partir de 20h30. Et le collectif Partage Haut propose également d'autres rencontres cette semaine, donc que je voulais rappeler très rapidement. Une autre soirée ciné-projection rencontre à partir du documentaire La théorie du boxeur, qui est organisée par l'AMAP, l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne de Feur dans la plaine du Forêt, avec le collectif Partage Haut qui sera présent. Je rappelle que c'est aussi l'événement AMAP en fait qui se déroule actuellement, avec des voilà, rencontres, projections déclinées sous différentes formes pour mettre à l'honneur aussi cette initiative, ces initiatives existantes depuis quelques temps maintenant. Donc ça, ce sera pour ce 27 septembre à Feur. Même date, à 18h, une soirée conférence de la forêt française au Pila, avec plusieurs intervenants dont Jean Gilbert, ancien maire et président du CPIE de Marle, à la salle de spectacle de la mairie de Marle. Ce sera à 18h ce 27 septembre. Et puis, juste annoncer que le collectif Partage Haut sera également présent ce week-end et ce 29 septembre à l'occasion de la tenue d'un stand à la marche contre la mucoviscidose, les Virades de l'Espoir, qui sont organisées toute la journée à Jonzieux, événement donc ouvert à tout public et aux familles pour la bonne cause. Ce sera ce 29 septembre. Voilà, je voulais aussi rappeler ces petits rendez-vous. Et puis juste compléter cet agenda avec les trois derniers points en projection. Justement, on va s'y arrêter quelque peu avec, alors je crois justement Ludo que tu en étais informé et étais à leur côté cette fin de matinée, c'est le festival Phénomène Fréquence. Qui organise leur quatrième édition qui se tient cette fin de semaine. C'est un festival de création émergente qui va débuter dans deux jours, hein. C'est du 26 au 28 septembre à Saint-Étienne, qui met en avant des artistes émergents dans divers domaines, que ce soit les arts plastiques, le cinéma et la musique, donc des concerts prévus, c'est 100% gratuit, et puis des films qui sont projetés suite à un appel à projets émergents et indépendants. Donc ce sera le cas pour des soirées Phénomène Fréquence prévues ce jeudi et vendredi 26 et 27 septembre à 19h et 21h, notamment au Méliès à Saint-Étienne. C'était l'occasion de rappeler ce rendez-vous aussi et autres festivals beaucoup plus courts, hein, sur la durée que le Rhino, mais qui se tient aussi cette fin de semaine pour cette jeune quatrième édition. Et puis vous rappelez encore un rendez-vous de ce mardi 24 septembre. C'est une soirée autour de la prison et du milieu carcéral, regard croisé sur la prison, dedans, dehors. C'est un programme de court-métrage en partenariat avec l'association Sauf qui peut le court-métrage. Séance en présence des associations Groupe Prison Saint-Étienne, le GPSE notamment, pour discuter aussi avec des professionnels ou autres acteurs, actrices qui œuvrent auprès de ces personnes sous main de justice. 4 films courts-métrages projetés, c'est ce 24 septembre, c'est aujourd'hui donc, ce soir à partir de 19h. Et puis on termine juste rapidement avec là aussi un autre rendez-vous qui va s'ouvrir demain jusqu'au 11 octobre prochain, c'est la nouvelle session de visionnage du côté du Grand Luxe, le cinéma indépendant, éclectique, électrique situé quartier Bellevue à Saint-Étienne. C'est la 53e session de visionnage qui va s'ouvrir ce mercredi soir à 20h avec le film d'Elia Kazan, le film Sur les quais, un vieux film des années 50, mais encore une belle programmation prévue, hein, avec des classiques, c'est le cas avec le Fritz Lang, M. Le Maudit pour exemple, du Bruce Lee, La Fureur du Dragon, tout cela en pellicule, hein, bien entendu, Retour aux Sources et du cinéma pur jus, du John Waters, du Mel Brooks, du George Miller, du Sam Raimi, donc tous les genres finalement représentés aussi cinématographiquement sur cette nouvelle session du Grand Luxe qui va donc s'ouvrir ce mercredi 25 septembre. Plus d'infos bien sûr en vous rendant sur le site dédié grandluxe.org. Voilà pour cette petite salve info d'ouverture de programme. On fait une petite proposition musicale pour entrer dans le vif du sujet, celui qui va nous occuper aujourd'hui, c'est-à-dire le jazz et le Rhino Jazz pour cette 46e édition qui va s'ouvrir ce 28 septembre, samedi, et qui va courir jusqu'au 20 octobre prochain. Et alors précisément, ça va s'ouvrir samedi soir avec ça. We'll be right back. concert d'ouverture pour le lancement du Rhino Jazz, c'est ce 28 septembre, avec ce projet un peu fou, Gallo Street, ouais. Et Ludo, ça va se jouer à la maison, puisque vous êtes basé, on le rappelle, au château du Jarret, à Saint-Chamond. Exactement. Commune Couramiode, qui vous accueille. Et donc ce sera à Saint-Chamond, précisément, avec ce projet-là, Gallo Street. Qu'on avait déjà vu sur le Rhino Jazz, il y a 2-3 ans. Ça va faire 4 ans cette année. 4 ans. Ouais, c'était à la passerelle, à Saint-Just-Rambert. Et l'équipe de Gallo Street sort un album. Donc il y avait ce que j'appelle une micro-tournée qui se mettait en place. On les a invités avec beaucoup de plaisir. Gallo Street, c'est cette école de la fanfare hollandaise. Il y a une véritable école, il y a un savoir-faire. On commence à jouer petit. De l'instrument avant et de la percussion et on a les mains et le cœur et les tripes rapidement dans cet esprit de la fanfare. Ce qui est intéressant, je trouve, dans cet album de Gallo Street, c'est qu'ils ont amené des textures, des matières sonores. On part de l'acoustique, mais vrai, je trouve que le travail est très très bien fait. On l'entend sur l'extrait qu'on a écouté à l'instant, mais sur scène, c'est vraiment ça. Et ça crée en fait une sorte de fusion. Ils sont véritablement hyper à l'aise là-dessus. Ouais. Ouverture en fanfare, donc, avec ce brass band hollandais. Ils nous viennent d'Amsterdam, hein, c'est ça ? Exactement. Pour ce 28 septembre, à Saint-Chamond, à la maison, siège du Rhino, mais alors dans un lieu un peu particulier, et ça, il faut le préciser, parce que alors, c'est Saint-Chamond, là, pour cette date et soirée de lancement et d'ouverture. 30 communes, hein, je rappelle, composent finalement aussi et accueillent ce Rhino Jazz 2024 pour sa 46e édition, dans des salles qui ne sont pas forcément dédiées. Hein, il faut le rappeler, et ce sera le cas pour cette soirée d'ouverture, donc... Où cela va-t-il se passer ? Vous aviez déjà occupé et investi, hein, me semble-t-il, cet espace-là. Oui, effectivement, la société, c'est la société COBIC, pardon, C-O-B-I-C, à Saint-Chamond. Ne vous inquiétez pas, tout sera fléché, on trouve facilement l'adresse. Le concert aura lieu à 20h30. L'idée, c'est ce qu'on aime au Rhino, c'est créer des moments de musique, de découverte, d'immersion musicale dans des lieux qui ne sont pas des lieux de concert. C'en est un, la société COBIC, c'est une société qui travaille le textile, la matière textile. Et on a eu l'idée, il y a déjà, comme tu le disais, quelques années, de proposer une première fanfare, d'ailleurs, qui avait été jouée dans ce lieu-là. Et puis, il y a une nouvelle unité de production qui s'est montée. Et le patron, Michel Cacayas, le PDG, nous a dit j'aimerais bien que vous reveniez, ok, ouais, on va taper dans les mains, ça marche, et ben ok, mais on vient. Alors, premier jour, concert de lancement, tu nous ouvres la nouvelle unité de production et on vient et on fait la fête et on fera la fête chez COBIC le 28 septembre. Voilà, donc un lieu insolite, investi pour cette soirée de lancement. Est-ce que ça va être le cas pour d'autres dates prévues sur cette édition, sur des lieux comme ça un petit peu marquants là, que vous auriez peut-être investi cette année dans un registre un peu différent? Alors non, on est resté sur ce lieu-là, Société COBIC, avec cette proposition de Gallo Street. Et effectivement, on aurait... Il y a quelques années auparavant, on a pu investir des lieux une, deux, trois fois, des lieux qui ne sont pas des lieux de concert habituels, patrimoine industriel, etc. Mais on ne l'a pas fait cette année. En fait, il faut avoir le projet, il faut la rencontre, il faut que les choses se passent, les planètes s'alignent. Elles se sont alignées avec COBIC et Yellow Street et on verra l'année prochaine. Ouais, 30 communes qui accueillent le Rhino Jazz, de nouvelles communes rejoignent le Rhino cette année. Exactement, on a de nouvelles communes qui rejoignent le parcours du Rhino Jazz. Il y a la commune de Chambœuf. Avec un concert qui sera celui du tout-puissant Tropical Orchestra, qui est une formation qui propose alors il y a du jazz, mais il y a aussi tout un fond musical assez sud-américain, c'est très chaud. C'est 6 musiciens sur scène. C'est vraiment à découvrir, parce que ça fait partie de ces musiques de jazz avec un S qui flirtent avec d'autres impulsions, d'autres couleurs musicales. Donc la commune de Chambœuf, nouvelle commune. La commune de Montreux-les-Bains, avec la salle des Forésiales, on accueillera le dernier projet de Hugh Coltman. Et puis il y a également Saint-Maurice-en-Gourgois, qui rejoint le Rhino avec un concert dans une église, très très belle église, classée, vraiment un petit bijou. Et là aussi, musicalement, c'est un trio avec la chanteuse Hattie Kate, qui est une chanteuse australienne, qui a vécu en Angleterre pendant un temps et qui a fait aussi un long passage en France, et qui est en France, pas de manière régulière, mais elle aime chanter en France, elle aime jouer avec des musiciens qui vivent et qui créent ici dans notre région. Et là, ce trio est vraiment très très beau. C'est sa voix, la voix d'Hattie Kate, une contrebasse, une guitare. Et puis, il y a la commune de la Tour-en-Jarret, église aussi. Hein, comme tu le disais, on investit des lieux qui ne sont pas des lieux de concert, oui. Donc une église avec... Alors des églises, on l'a déjà vu sur le Rhino Jazz, mais pas sur ces communes. Non, pas cette commune. Et puis là, ce sera avec Jazz DeLorean, le pianiste leader de Tonkus Vienge. Et puis c'est vrai que, en fait, ces communes qui rejoignent le Rhino, bah, elles viennent spontanément. On les accueille évidemment avec un grand plaisir, et ça c'est un petit peu l'ADN du Rhino, ça. Et oui, différentes communes, différents lieux. Alors l'église de Genilac aussi à nouveau, l'église de Saint-Paul-en-Cornillon, bref, voilà. Et puis d'autres salles davantage dédiées sur les, on va dire, les salles culturelles de certaines communes. En tout cas, voilà, vous avez renouvelé aussi, en effet, géographiquement aussi un petit peu les choses pour 30 communes cette année, entre le Forêt, quelque peu investi cette année, également les monts du Jarret, toujours, le Pila également, qui va accueillir le Rhino. Et puis, alors pour les... on va dire grande métropole entre Saint-Étienne et Lyon, finalement. Voilà, Lyon, Caluire, qui vont aussi accueillir des concerts. Et puis Saint-Étienne, qui est quand même aussi bien loti cette année, puisque je crois avoir compté 4 à 5 lieux qui vont accueillir le Rhino Jazz, entre l'Opéra, le Solar, lieu dédié jazz à Saint-Étienne, le Fil, et la galerie Cesson et Bentière. Et la cinémathèque de Saint-Étienne. Et la cinémathèque en plus, pour pas véritablement un concert, mais une soirée dont on va reparler aussi autour de projections. Deux soirées. Ouais, effectivement. Ouais. Le festival commence officiellement ce samedi 28, mais les choses sont déjà lancées, puisque me semble-t-il que du travail est en cours depuis déjà quelques jours, et notamment depuis le 9 septembre dernier, et c'est aussi un pendant important du Rhino Jazz que sont les actions... culturel, on peut le nommer comme ça, travail de médiation en tout cas. C'est ça, c'est central, comme tu le disais, c'est vraiment des propositions que l'on mène depuis de nombreuses années. L'idée, c'est ça se fait en deux temps, ce sont des ateliers, ce sont des actions artistiques qui se déroulent directement dans les classes partenaires. On a un partenariat avec deux inspections académiques, celle de Saint-Chamond, celle de Rive-de-Gier. On a la DRAC aussi qui nous suit sur ce projet-là. Et puis, le deuxième temps, ce sont des concerts. Donc, le musicien ou la musicienne qui a engagé ce travail en amont l'engage à nouveau sous la forme de concerts en octobre. Donc, c'est véritablement un temps complet pour les enfants de maternelle et de primaire. Immersion musicale, découverte d'un instrument, découverte d'un personnage, découverte d'une musique. Un travail également qui se fait. Véritablement, ça je tiens à le dire. Et ensuite, la phase concert, où là, c'est l'autre part du gâteau pour les enfants. Et là, quelle part avec Pierre-Marie Lapran, Pierre and the Stompers, c'est son nom de scène, fabuleux saxophoniste. Ce mec-là est vraiment génial. Je le dis avec... c'est vraiment un mec qui a une âme, qui a une manière de faire passer sa musique. Il la danse. Il l'a dansé sur les ateliers, il a impliqué les mômes d'une manière incroyable, et ensuite il va aller reprendre dans un second temps avec ses concerts. C'est vraiment très chouette ce que fait Pierre. Ateliers qui se sont déroulés là en début de et durant ce mois de septembre, et donc qui vont donner lieu à ces phases concerts, comme tu le dis, donc autre grande étape. Combien de minots sont partie prenante de la chose? Alors en totalité, en comprenant la partie atelier et les concerts, c'est environ 2000 enfants qui vont être sensibilisés. C'est impressionnant. Et donc ces concerts vont se tenir à la salle Roger Planchon à Saint-Chamond les 7, 8, 10 et 11 octobre. On le rappelle, vous avez toutes les infos aussi, parce qu'on ne va pas pouvoir parfois être précis hein, dans la programmation, mais rhinojazz.com et vous avez toutes les infos en détail. On peut en profiter pour écouter Pierre tout de même, un petit peu d'illustration du travail que mène ce garçon, Pierre and the Stompers, pour ce titre-là, Démon, que je vous propose d'écouter un peu. C'est excellent. Et il n'aura pas l'occasion de se produire, lui, en dehors de ce projet d'action, de médiation ? Cette année, non. Mais je pense que nous le retrouverons l'année prochaine, parce qu'il a plusieurs groupes qui sont superbes. Voilà. Il me fait penser, d'après ce que je vois aussi, notamment de sa présence sur scène, à, j'ai que son nom, il me semble, Perret. Guillaume Perret. Voilà, merci. Qui est d'Annecy, hein, je crois. Ouais, aussi. On est dans un registre assez proche. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il part de l'instrument acoustique, qui est le saxophone, qui est son instrument. Et à partir de là, il y a un assemblage de sons, samples, etc., boîte à rythme. Et puis, d'un seul coup, l'univers qui est celui que je décris, s'estompe et on est sur l'instrument acoustique et il a véritablement un son, il a une couleur, une patte sonore qui est vraiment hyper intéressante. Pierre and the Stompers, cela me renvoie aussi dans ces saxophonistes fous à l'actualité d'un autre Matt Sax qui a longtemps accompagné le Rhino Jazz. Monsieur LM. Voilà, un autre... homonyme hein, Lionel Martin, de son vrai nom. Juste pour l'actualité, tu sais qu'il sort un album cette fin de semaine, vendredi. J'ai été un des contributeurs de ce travail-là. Voilà. Pas dans la manœuvre qui est la sienne, mais il avait fait appel à des amis un peu pour moi. Voilà. Quelqu'un qui a longtemps accompagné le Rhino Jazz et qui est très prolifique et hyper actif, hein, ça on peut le dire. Les collaborations sont nombreuses, mais voilà, juste petite parenthèse, puisque là il vient de s'associer avec avec François de l'ex-Berrurier Noir pour leur projet et album Interbellum qui va sortir ce 27 septembre. Donc c'était juste l'occasion de le placer et de le rappeler. Pour cette nouvelle édition 46e, Ludo, c'est quand même une sacrée performance en termes de durée de vie qui arrive quasi à un quart de siècle. Un demi-siècle, pardon, on a largement dépassé deux quarts de siècle. Oui, c'est ça, on peut les additionner. Un quart de siècle. Ouais, oh, bravo. Juste comment vous abordez ça avec cette longévité-là, le travail que nécessite la mise en place et la tenue d'un événement comme celui-ci, est-ce que vous rencontrez des difficultés quand on connaît aussi le contexte actuel de l'événementiel, de culturel aussi Mais c'est-à-dire que ce travail-là, il faut pas être amnésique, hein, et toujours remémorer l'histoire d'un événement. Cet événement, il était imaginé, monté par Jean-Paul Chazalon, qui est encore président du festival, du Rhino Jazz Festival. Il l'a imaginé à une époque où le jazz était largement pluriel, et notamment à cette époque-là, on avait les pieds et les mains dans ce qu'on appelait le free jazz et toute une partie très libre de ces musiques-là. Ensuite, les choses évoluent, ces musiques évoluent. Nous avons comme d'autres événements, comme festivals, on a aussi évolué tout en gardant un regard et une écoute particulière pour ces musiques-là. Le travail qui a été mené, il a été mené tout d'abord sur la ville de Rive-de-Gier et ensuite il s'est implanté sur un territoire qui est maintenant le territoire de la métropole de Saint-Étienne et une partie de la métropole de Lyon. Donc on a la chance, et il faut les remercier, d'avoir des partenaires publics et privés qui nous suivent, qui nous font confiance. Ça, ça se gagne avec le temps, ça s'éprouve avec le temps, et je pense qu'on a aussi, et ça c'est le viseur premier, c'est le public, on fait ce métier-là pour le public, on a un public qui est hyper présent, qui nous fait confiance également, donc c'est l'assemblage des deux. Et cette richesse-là, ça se mérite, donc on est à l'ouvrage chaque année, et on est porté par tout ça. Mais avec, je dirais, une façon de dans l'économie aussi même de l'événement et du festival, de façon assez sereine et apaisée, vous avez, ou en tout cas n'avez pas de difficultés particulières à réunir le fonds nécessaire, à avoir les soutiens nécessaires Dans ta question, il y a une partie de la réponse, c'est-à-dire que évidemment qu'on a eu des baisses d'aide, comme de nombreux autres événements, mais on arrive toujours à maintenir un niveau de programmation qu'on espère de qualité pour le public, un niveau de programmation qu'on espère vraiment être à la hauteur de ce creuset des musiques de jazz qui ne cesse de se réinventer depuis de nombreuses années. C'est ça en fait l'enjeu. Mais pour répondre peut-être plus précisément à ta question, oui, on arrive à maintenir et structurer l'événement, mais il faut toujours se battre. Hein. Ouais. Alors, et pour aller encore plus loin, c'est des soutiens que vous obtenez via subvention de l'agglomération lyonnaise, de la métropole stéphanoise. Alors on a des financeurs fidèles, c'est Saint-Étienne Métropole, c'est la ville de Saint-Étienne, c'est le ministère de la Culture, c'est le département qui nous aide. Il y a également évidemment les sociétés civiles, SACEM et Spedidam qui sont avec nous. Et puis il y a des villes aussi qui sont partie prenante dans les 30 communes que nous visitons contribuent chaque année. Mais il y a quelques communes comme Rive-de-Gier, Châteauneuf, qui sont aussi un peu plus en exergue. C'est un amalgame de ces soutiens-là qui nous permettent, avec de nombreux partenaires aussi, qu'on va qualifier de privés, qui nous aident aussi, qui sont là pour acheter des places, nous aider à construire l'événement. C'est un gros dossier. Ouais. Ce n'est pas indiscret que te demander quel est le budget d'un événement tel que celui-ci la part d'ailleurs de subventions publiques, par exemple aussi, que vous obtenez. On est à peu près sur un budget, ce que j'appelle global, avec les services non facturés, etc., à peu près de 600 000 euros. Et on a une clé de répartition à peu près 70-30, c'est-à-dire qu'on a, la billetterie est importante, mais on a ces aides-là qui nous permettent de confectionner cet événement, de le fabriquer. Et on remercie évidemment les partenaires publics et privés. Alors au-delà des moyens pour confectionner justement l'événement, les sons économiques de côté, pour l'artistique, comment tu as un peu abordé aussi cette 46e édition, comment elle s'est faite un petit peu et construite et pensée finalement, ouais. ma première, je le dis souvent mais je le redis, c'est le lieu dans lequel va s'organiser l'événement, le concert. À partir de là, le lieu il nous donne toute une dynamique dans ce qu'il rejaillit, c'est-à-dire que on peut pas programmer n'importe quel concert dans une église, on peut pas non plus programmer comme ça de manière un petit peu illusoire un concert à la Maison de la Culture Le Corbusier à Firminy parce que il y a une résonance, il y a une acoustique particulière, mais il y a une magie, donc il faut la respecter, il faut essayer de trouver une histoire. Moi j'essaie humblement d'écrire des petites histoires, des musiques dans chaque lieu, et puis il y a des lieux qui permettent d'avoir un registre musical plus costaud, plus solide. On y va, on essaie d'être malin, on essaie d'être attractif. C'est une grande chance d'avoir ce dédale de lieux cette itinérance de territoire parce qu'en fait c'est un terrain de jeu qui est fabuleux quoi. Ouais. Avec quelle ligne un petit peu pas éditoriale mais artistique que tu souhaiterais peut-être enfin que tu privilégies et que tu mets en place cette année en fait c'est tous ces lieux dont on parle pour moi c'est une constellation de lieux et j'avais envie d'avoir en miroir une constellation artistique des musiques de jazz donc je suis parti sur ces idées de constellation et à partir de ce chemin là de cette ligne rouge de cette ligne artistique plutôt dans les découvertes que j'ai faites ou redécouvertes il y avait beaucoup de voix énormément de voix féminines et masculines et bien ça donne Flesh Love inclassable voix à Firmini Maison de la Culture Le Corbusier ça donne Karine Guacturam une des grandes voix féminines actuelle à la salle Jean d'Astérive de Gier. Ça donne le retour de Yoon Sunna qui reviendra pour la cinquième fois là dans un répertoire en duo avec Boyan Z à Saint-Chamond. Ce projet qu'a imaginé Yoon Sunna autour de ces grandes voix aussi qui l'ont ému de la chanson du folk, du blues et du jazz, et bien elle en a fait un répertoire qui est renversant. C'est également une artiste, Cindy Push, qui n'est pas forcément dans les musiques de jazz, mais qui pour moi pourrait s'inscrire complètement dans cette énergie, dans cette synergie-là. Et puis ensuite, parce qu'on aime aussi l'aventure, le trio Nazani, ce sont des voix d'Arménie, et dans les musiques de jazz, dans le melting pot des musiques de jazz, ces voix-là, elles font aussi partie de la richesse de ces musiques de jazz. Donc, tout au long de ce périple-là, il y a ces grandes voix féminines, il y a Hugh Coltman, le garçon, la voix masculine, l'une des voix masculines de cette édition, Hugh qui reviendra avec un très très beau projet, vraiment magnifique. Le jazz vocal, oui, assez à l'honneur et féminin, tu le disais. Alors il y en a d'autres. Hein. Je pense à notamment cette artiste américaine Mitchell David and the True Tones, assez hallucinant que ce projet-là, très très soul. C'est très soul. Pure soul. Ah ben c'est complètement ça. C'est soul music, c'est l'école du gospel. C'est Mitchell David and the True Tones. C'est une artiste qui, lorsqu'elle se produit dans les différentes salles de spectacle, c'est des salles de 1000-1500 places. Là, il y a une tournée qui s'était dessinée et hop. C'est bon, ok, disponible, oui, parfait. Et en fait, on a une commune dans laquelle on a cette appétence pour ces couleurs musicales, c'est Unieux, le quarto à Unieux. Donc on a pu programmer ce concert-là à Unieux. Elle nous vient d'où, elle elle est américaine. Oui, mais de Memphis, non ? Ouais, non. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais, tout à fait. Moi, je pensais un peu à Sharon Jones. Sharon, ben, c'est ça. C'est ça. Maison d'Apton. Exactement. Dans ce même registre, même veine. Tout à fait, ouais, c'est ça. C'est un peu l'époque Booker T aussi. Toute cette c'est le label Stax et compagnie. Dans les voix aussi, il y a le groupe Inuit. Le groupe Inuit, un groupe incroyable qui. On l'a titré Jazz Vocal Expérimental. C'est inclassable. Sont des filles qui ont un talent inouï. Il y a un batteur derrière qui tient la baraque. Ouais. Ça navigue entre eux, c'est fabuleux. C'est une exploration musicale, c'est un conte. C'est incroyable. Moi, je suis assez fasciné par ce type de projet. Ce sera le 17 octobre à Givors. Et puis, alors, il y en a d'autres. Hein, Roxane Arnal Quartet à Saint-Martin-la-Plaine le 11 octobre. Karine Guillaume-Turam à Rive de Gier le 12 octobre. Étiquette Trio également à Saint-Maurice-en-Gourgois à l'église de Saint-Maurice le 13 octobre à 18h. D'autres encore hein, qui sont programmées, ces voix donc féminines en effet à l'honneur, peut-être bien sur ce festival, cette édition. Et puis une autre voix qui n'est pas que, je dirais, la façon peut-être de la qualifier, d'identifier, c'est aussi surtout une grande guitariste. Et alors justement, j'ai trouvé aussi cette année, je ne sais pas si c'est vraiment le cœur du festival, mais à nouveau on avait fait ce rapprochement entre musique jazz et pop avec David Bowie bien sûr. Cette année Hendrix est assez présent. Ouais, exactement. Et pour la référence, je parle de Nina Attal, bien sûr. Bien sûr. Aussi ouais, tout à fait. J'avais envie d'avoir deux soirées avec des thématiques musicales bien marquées. On va parler de celles que tu évoques. La soirée Jimi Hendrix Eternal, ce sera donc à l'Opéra de Saint-Étienne le 10 octobre. Cette soirée, elle commencera à 18h par une conférence de Yazid Manou, qui est un des plus grands, je pense, connaisseurs de la carrière d'Hendrix. Donc Yazid nous fera le plaisir de présenter cette conférence à 18h au sein même de l'Opéra, salle du CMF. Et on poursuivra la soirée à partir de 20h par un concert solo de Thomas Naïm, ce qui est un fin connaisseur aussi de l'histoire hendrixienne. Et ensuite, ce sera Nina Attal et son Electric Ladyland. Alors, il y a Hendrix un peu au masculin, Hendrix au féminin, avec Nina Attal et ses sœurs de scène. La manière dont elles ont abordé le répertoire d'Hendrix, je trouve ça fabuleux, vraiment fabuleux. Et Nina Attal disait dans ses interviews, elle insistait un peu sur le côté féminin d'Hendrix, elle a raison. Il avait un côté assez féminin finalement dans sa gestuelle, aussi dans la manière de se fringuer. Il y avait quelque chose, une nonchalance un peu féminine peut-être. Je ne veux pas que ce soit mal pris, mais je trouve qu'il y a des gestes qui étaient très, très délicats, me semble-t-il, de la part d'Hendrix. Et donc cette manière dont elles ont cerné la musique d'Hendrix et qu'elles le proposent sur scène, c'est fabuleux. Donc c'est une aventure, cette soirée-là. C'est le 10 octobre. C'est le 10 octobre. À 20h, avec Thomas Naïm, qui avait aussi fait un hommage à Hendrix déjà. Ouais, tout à fait, un disque, exactement. Ouais, ouais. En solo, là. Et puis donc l'Electric Ladyland et Nina Attal, le 10 octobre à 20h à l'Opéra de Saint-Étienne. Nina Attal qui fait l'actualité aussi, là, elle sort un single ce 27 septembre d'ailleurs, qui donc va paraître là cette fin de semaine, avec une approche elle très, très particulière quand même, farouchement indépendante. Je veux dire, elle finance elle-même ses projets, de grandes tournées, de belles affiches partagées, je pense à Maceo Parker, Christine Jones et j'en passe. Et donc elle est actuellement donc en pleine tournée hommage à Jimi Hendrix, donc avec ce line-up exclusivement féminin pour ce rendez-vous du 10 octobre. On écoute un petit peu Nina Attal. Avec plaisir. Hommage à Hendrix. Bien sûr. Bien sûr, le Little Wing de Jimi Hendrix, qui c'est un peu d'ailleurs, c'était il y a quelques jours, l'anniversaire de sa mort, de sa disparition, le 18 septembre 1970 à Londres. Ce qui peut interroger aussi, c'est la connexion rock et jazz. Ouais, en fait. Hendrix et le jazz. Hendrix et le jazz, mais il a été une source d'inspiration pour un nombre de musiciens et musiciennes de jazz, c'est incroyable. Ce qu'a pu générer Hendrix en termes de perspectives musicales et sonores, il y a énormément de jazzwomen et de jazzmen qui ont pris ce son comme matériau de composition. Également, même dans des musiques un peu plus contemporaines. Donc l'ouverture musicale immense que fût celle d'Hendrix, c'est dingue. Enfin, c'est et puis fou. Alors je fais la passerelle très rapidement, vous ouvrez le festival le 28 septembre. 28 septembre, c'est quand même aussi une autre date de disparition, celle de Miles Davis, le 28 septembre 91. Et on sait que Hendrix, en tout cas Miles Davis, était très impressionné par le travail d'Hendrix, qu'ils avaient envisagé, je crois qu'ils ont même fait des sessions, des jam sessions dans l'appartement de Davis à New York en 69, un an avant sa disparition. Rien n'est sorti aujourd'hui, il n'y a pas de traces de matière sonore, mais en tout cas la connexion a été faite. Je crois que d'ailleurs Miles Davis, c'est le seul enterrement qu'il ait fait, c'est celui d'Hendrix. Ben, je ne le savais pas. Enfin voilà pour la connexion. Hendrix, une soirée concert à l'Opéra Théâtre de Saint-Étienne, mais également déclinée sous d'autres rendez-vous. Tu l'as dit, une conférence, celle de Yazid Manou, qui est quand même un spécialiste en la matière, qui était responsable de la promotion du catalogue Hendrix chez Universal Music. Enfin bon, c'est voilà, un spécialiste. Ouais. On peut le dire. Auteur aussi d'une BD, Jim Hendrix, paru il y a 2 ans. Oui, c'est ça. Ouais. Une collection également. Oui, il y aura un collectionneur qui s'appelle Alain Audou, qui est sans doute l'un des plus importants collectionneurs en Europe de documents, d'objets assez rares autour de la musique et du travail de Jimi Hendrix. Donc on va présenter, on va faire une micro sélection de l'immense collection d'Alain Audou, et on la présentera sur le site de la conférence, le lieu de conférence, le CMF, c'est une salle qui s'appelle le CMF, au sein même de l'Opéra. Tout sera indiqué, ne vous inquiétez pas, et on y présentera quelques objets de la collection d'Alain Audou. Qui sera visible que sur cette soirée. Oui, ça. On n'a pas la possibilité en termes de temporalité d'une expo plus longue. Ce sera donc le 10 octobre, entrée libre à partir de 18h pour cette conférence. J'annonce tout de même qu'on va tenter aussi nous d'être présents et d'assurer une captation de cette rencontre-conférence si vous ne pouvez y être présente, et qu'on en fera restitution sur les ondes d'une manière ou d'une autre. Et puis Hendrix, ce sera également une projection à la Cinémathèque avec un biopic. Always by My Side. J'ai été étonné, j'ai regardé un petit peu le nombre de passages et de présences sur ce biopic. Ça n'a pas été énorme, mais moi je l'ai visionné plusieurs fois. Je trouve qu'il est vraiment très très bien fait. Alors il y a évidemment un parti pris sur l'époque, etc. Mais ça donne vraiment un reflet vraiment intéressant, une histoire assez intéressante du musicien. Donc c'était la Cinémathèque, comme tu signalais. On va rester sur la Cinémathèque et à Saint-Étienne, si tu le veux bien, et avancer dans cette programmation. Le temps tourne malheureusement très vite, Ludo. Je suis un peu trop long, je suis désolé. Non, pas du tout. Et à la Cinémathèque va se dérouler un autre temps de rencontres et de conférences. Alors à nouveau là on aborde le côté un peu rock piqué en tous les sens du son, avec une autre formation assez Le Grateful Dead. Le Grateful Dead, et ce sera une conférence qui sera proposée le 30 septembre par Eric Tandy, qui a travaillé le sujet du Grateful Dead et qu'il connaît très bien. Donc Eric proposera cette conférence. Et toujours, si je peux me permettre, Lionel, sur la thématique du Grateful Dead, eh bien, le 3 octobre, c'est le Belmondo Dead Jazz. Un focus autour des musiques du Grateful Dead. Stéphane et Lionel Belmondo ont imaginé ce projet-là en quintette, et ils ont joué, eux deux, sur un album du Grateful Dead. Donc c'est quand même une véritable immersion musicale que Lionel et Stéphane ont pensé et qu'ils proposent sur scène. Et puis ils sont quand même avec une équipe, j'appellerais ça la Dream Team des musiciens de jazz européens, Eric Lenini, Dre Palmers, etc. Bon, c'est très beau. Une conférence à la Cinémathèque le 30 septembre. Oui. Et puis donc ce concert au fil à Saint-Étienne le 3 octobre à 20h30. Dead Jazz, Play the Music of Grateful Dead. On s'en fait encore une petite illustration sonore très rapidement. We'll be right back. Ah, ça pulse, hein. Ça pulse, hein. Éric Lénini, ouais. Clavier, ouais. Bien sûr. Et bien voilà, ce bel hommage, donc, jeudi 3 octobre, au fil. Et puis, alors les rendez-vous sont nombreux, on le disait, hein, Ludo, mais si on veut rester finalement dans cette veine assez, assez groove, assez rock, il y a bien sûr votre traditionnelle nuit du blues. Bien sûr. Qui va se tenir à Saint-Chamond, oui. Ça reste de Brion le 19 octobre. Mmh. Alors avec un petit regret pour ma part, c'est de ne pas finalement voir programmer Cedric Burnside. Mmh. Fameux guitariste, fils du grand R.L. Burnside, qui a accompagné aussi toute cette scène et ses anciens, vraiment références en la matière. Hein. Je pense à Timo Delford, R.L. Burnside et d'autres encore. Malheureusement, il ne sera pas présent. Non, il a annulé sa tournée européenne à l'automne. J'ai essayé de réagir assez rapidement. Et ce sera le The French Blues All Stars, qui est une formation blues française, mais qui fait sonner cette musique-là franchement à l'oreille. On se croirait vraiment aux States. Et c'est super bien fait. Donc, ils ouvriront cette nuit du blues. Et puis ensuite... ce sera Bernard Allison. Voilà, ce fut mon premier concert organisé. J'avais 16 ans. Ah oui. Là aussi, fils bien sûr de Luther Allison, autre grande référence. Mais Bernard l'est autant, de toute façon. Hein, une carrière bien remplie aujourd'hui, une référence en la matière. Et donc, l'Américain sera présent pour cette nuit du blues de ce 19 octobre. Et puis, peut-être. Nouveauté cette année, on a évoqué Saint-Just-en-Rambert tout à l'heure pour une autre nuit que vous allez proposer, une nuit du Rhino. La nuit du Rhino, c'est co-proposé par Julie Javel, qui est la nouvelle directrice artistique de la passerelle à Saint-Just-en-Rambert. Il y avait une idée qui avait été proposée il y a quelques années par le maire de Saint-Just-en-Rambert pour faire une nuit, etc. Mais bon, bah, il fallait définir les choses. Nous l'avons définie, nuit du Rhino, il y a 3 temps. Il y a 3 lieux au sein de la passerelle, 3 lieux qui seront investis par 3 projets artistiques différents. Les Po' Boys, fanfare ligérienne de très grande qualité, qui débuteront la soirée à 19h. Mmh. Ensuite, Camille, qui est une chanteuse ligérienne, qui vraiment, venez découvrir cette fille. On l'avait vu sur le dispositif, notamment sur scène, je crois. Exactement. Donc, c'est un duo augmenté, puisqu'il y aura une claviériste qui viendra finir le concert avec Camille et son guitariste. Et puis ensuite Audrey les Faces B, formation emmenée par une chanteuse, Audrey, une voix incroyable, vraiment il faut découvrir cette fille, et le groupe qui l'accompagne, c'est vraiment très très très très bien. Il y a encore des places, achetez les places pour la nuit du Rhino. Achetez des places ou gagnez vos places aussi. Évidemment. Il y en a sur l'antenne du 895 de Duo. On va terminer aussi ce rendez-vous, Ludo, bien sûr, parce que le temps passe très très vite. Ouais. On va rappeler le jeu concours et les dates concernées. Et juste peut-être focus sur 3 autres rendez-vous. Mais tu l'as évoqué déjà, c'est Flesh Love, artiste assez inclassable, qu'on a déjà défendu sur cette antenne, mais c'est vraiment impressionnant aussi à voir sur scène. C'est une artiste, je dirais, presque complète et entière. À Firminy, à la Maison de la Culture, le 2 octobre. La bassiste ou contrebassiste Joëlle Léandre. Bien sûr. Alors là, on est dans un registre pur jazz impro. Là aussi, c'est de haute tenue. Enfin, c'est une très très grande musicienne. C'est une des grandes improvisatrices. Elle enseigne à New York, elle enseigne au Japon, elle enseigne de partout. Et il y aura une résonance avec le peintre Yves Zurstrassen, qui est exposé à la galerie Cesson et Bentière. Et ils se connaissent tous les deux. Ils ont déjà œuvré en improvisation. Ils ont déjà travaillé. Et ce sera donc le 8 octobre à 20h30 à la galerie Cesson et Bentière. Joëlle Léandre, autour en résonance aux peintures de Yves Zurstrassen. Voilà, performance, musique et peinture à la galerie. Donc, c'est son Bentière le 8 octobre à 20h30. Et puis, je voulais terminer, ce sera en guise de générique de fin. On l'a aussi évoqué, c'est cet artiste. Alors voilà, non pas à l'opposé de Joëlle Léandre dans un registre pur jazz, mais plutôt musique sans frontières. Inclassable peut-être également. C'est Cindy Push qui se produira à Sorbier le 8 octobre à 20h. Que je vais proposer d'écouter pour terminer ce programme, Ludo. Est-ce qu'il y aurait un mot de la fin que tu souhaiterais rajouter ? De tout d'abord te remercier, Radio Duo, fidèle partenaire du Rhino Jazz. Dire qu'évidemment, il y a encore des places en vente, de nombreuses places en vente. Il faut aller sur le site du Rhino Jazz, rhinojazz.com. Il y a une billetterie, il y a des passes, il y a des passes à l'unité. Allez-y, n'hésitez pas, venez découvrir, il y a des vidéos. Faites votre immersion du Rhino 2024. Et puis, on a hâte de vous revoir tous et toutes sur les scènes du festival. À partir du 28 septembre jusqu'au 20 octobre, partout sur Saint-Étienne, la métropole, jusque Lyon. Plus d'infos rhinojazz.com, on le disait. Des places à gagner sur le 895 de Duo. Allez, on vous les présente rapidement. La soirée Grateful Dead Jazz, justement. Eh bien, des places au fil pour le 3 octobre. La soirée Hendrix, également, du côté de l'Opéra Théâtre le 10 octobre. La nuit du blues à Saint-Chamond. Et vous retrouverez aussi l'émission spécialisée du 895 Boogie qui également défendra cette soirée. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à redac@radiodio.org si vous êtes intéressé pour ces soirées-là et gagner donc vos places. On termine avec Cindy Push. Si tu veux en dire quelques mots de présentation, Ludo, parce qu'elle propose un registre assez particulier, très, très sans frontières, c'est assez juste, ouais. Parce que c'est très pluriel finalement, très cosmopolite, je sais pas si c'est juste, c'est-à-dire, mais... Y a, ce que j'adore, c'est... Métissé. Ouais, métissé, c'est cet assemblage sonore, ça part de sa voix. Il y a un guitariste, Sébastien Martel, qui est superbe, et puis une violoncelliste. Je suis désolé. Audrey Poudrini. Voilà, voilà, merci. Lionel, c'est un tableau impressionniste, et ce tableau impressionniste, il est mené par Cindy Push, qui est une des grandes voix, moi j'estime une des grandes voix que l'on a la chance d'avoir en France dans un registre musical aussi inclassable. Et on rappelle qu'elle est de la région lyonnaise. Tout à fait. Tout et à fait. Qu'elle a sévi au sein de collectifs très musique du monde finalement. Hein. Exactement. À la fois créole, à la fois donc Maloya, musique mauricienne. Elle est elle-même franco-camerounaise. Hein. Oui. Et donc bien entourée là, avec notamment Sébastien Martel, qui a sorti aussi un très bon disque récemment. Lui, on l'a connu aussi un peu en homme de l'ombre avec de grands artistes. Dominica. Et qui vient de sortir, Dominica et bien d'autres. Et là, il vient de sortir un album, je ne sais pas si tu as écouté ce disque-là, enregistré pendant la période Covid, ouais. Confiné, à la Philharmonie de Paris, je crois, avec Mathieu Chédid et Mathieu Bogart. Trio de guitare avec des... Enfin bon, fabuleux. Sébastien Martel, Audrey Poudrini et Cindy Push au chant. C'est le concert de l'Échappée à Sorbier le 8 octobre prochain. Et on va terminer justement avec Cindy Push et ce titre Nyanga pour terminer. Merci Ludo. Merci à toi. Bonne entame de festival ce samedi. Et à suivre sur le 895 tout au long des semaines à venir. On termine là-dessus. Tout bon chez vous. Portez-vous très bien. Ciao, bye. Laissez-moi raser mes sourcils et faire tout ce qu'il ne faut pas pour être cute comme Ilis. Je ne veux tout. votre nyanga. Laissez-moi raser mes sourcils et faire tout ce qu'il ne faut pas pour être cute comme ils disent.